l'instant, je viens de regarder ce que signifiait la simplicité de l'absence de luxe à l'état d'un être naïf. À l'évidence, il faut admettre que ce n'est qu'une théorie, un vestige de nos années passées. Écoute-moi, ne m'interromps pas, un prêté pour un rendu, voilà, nous sommes là. Le manque de crédit à la confiance et la bonté d'âme, voilà deux autres chimères. Belle parure pour nombre de vos discours, alors sans réserve et sans condition, je bannis toutes les traditions, les protocoles, la politesse qui n'était perçue que comme de la mendicité. Dire merci signifie en fait qu'émander. Je me sens mieux, je suis enfin délivré. Pour mon malheur, je vais me réveiller dans un quotidien épris de modernité qui fonçait épaissé à toute allure. À quoi bon faire ça?